Section 3 de Contes, anecdotes et récits canadiens par A. Filiatreault. Cet enregistrement LibriVox est dans le domaine public. Lu pour LibriVox par Sandra, 2026. La crémation. Deux bons hommes de 80 ans, bien sonnés, suivent la dépouille mortelle d'un autre vieux camarade qui leur avait demandé avant de mourir d'assister à l'opération de l'incinération. Comme ils avaient le respect des dernières volontés de leur ami, ils assistaient impassibles à la cérémonie. Depuis plus de 3 heures déjà, le mort cuisait dans son jus, et les deux vieux étaient fatigués. Tout à coup, l'un des deux dit à l'autre, « Dis donc, Hyacinthe, sais-tu que ça prend du temps ?»« Je l'admets, mais... » Rappelle-toi bien ceci, notre ami Honoré a toujours été, tout le temps de sa vie, un dur à cuire. Fin de section 3.